Sidonie a plus d'un amant. C'est une chose bien connue qu'elle avoue, elle fièrement. Sidonie a plus d'un amant parce que pour elle être nue est son plus charmant vêtement. C'est une chose bien connue. Sidonie a plus d'un amant. Elle en prend à ses cheveux blonds comme à sa toile l'araignée. Prend les mouches et les frelons. Elle en prend à ses cheveux blonds vers sa prunelle ensoleillée. Il vole, pauvre papillon, comme à sa toile l'araignée. Elle en prend à ses cheveux blonds. Elle les mène par le nez, comme fait, dit-on, le crotal des oiseaux qui l'a fasciné. Elle les mène par le nez, quand dans une moelle étale sa langue à leurs yeux étonnés. Comme fait, dit-on, le crotal, elle les mène par le nez. Elle en attrape avec les dents quand le rire entr'ouvre sa bouche et dévore les imprudents. Elle en attrape avec les dents sa bouche quand elle se couche, reste rose et ses dents dedans. Quand le rire entr'ouvre sa bouche, elle en attrape avec les dents. Sidonie a plus d'un amant, qu'on le lui reproche ou l'en loue, elle s'en moque également. Sidonie a plus d'un amant, aussi jusqu'à ce qu'on la cloue au sapin de l'enterrement. Qu'on le lui reproche ou l'en loue, Sidonie aura plus d'un amant.